Mes amis, j'ai bien cru que c'en était fini d'Helmut hier en fin de matinée. Après être passé ici, j'étais fatigué. Oui, vous êtes épuisant, Christophe. Oui, j'ai vu ça. Je décide donc de faire ma petite sieste dans le local à poubelle en bas de chez moi, histoire d'être au top de ma forme une fois rentré pour honorer, comme il se doit, l'étudiante norvégienne en histoire que j'héberge en ce moment. Quelques heures plus tard, je me réveille tout grelottant. On aurait dit un enfant des faubourgs de Moscou qui attend inconsciemment juste la mort pour tout réconfort. Un abruti avait laissé la porte ouverte et j'étais en plein courant d'air. J'arrive dans mon logis, l'œil terne et la gougoutonnée, et pour ne pas déranger la petite cocotte, je m'allonge sur le canapé. À peine à l'horizontale, j'entends bouger. Puis 5 secondes plus tard, une lumière tamisée m'apparaît. Et pour finir, ma chaîne stéréo se met en route. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique infâme ? Me dis-je à mon fort intérieur. L'étudiante s'approche de moi, en rampant sur le sol avec un déshabillé en soie sauvage du Tonkin, déshabillé à moitié déchiré. Là, je me dis, et je lui dis en plus... « Mais tu es blessée, petite loutre fragile. » Elle me répond que non, qu'elle a juste envie que je lui fasse subir les derniers outrages du vice sur la vertu, qu'elle va être la risée et la honte à la fois de la condition féminine dans son ensemble, qu'elle va être la pécheresse pénitente qui implore mon pardon et réclame l'intervention de mon goupillon magique. À ça, je réponds, « Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, espèce de petite souillon nordique? Tu crois qu'elle serait fière de toi, ta mère, si elle te voyait dans cet état? Elle qui s'est sûrement saignée aux quatre veines pour t'offrir des études sur le continent. Allez, file !» Puis elle s'est mise à pleurer. Elle est repartie se coucher. Eh ben? Je me suis réallongé. C'est précisément au moment où j'allais m'endormir que j'ai réalisé. Helmut! Qu'est-ce que tu viens de faire? Cette sublime femelle gaulée à faire exploser des slips vient te voir en rampant! Et en te suppliant! Et toi, tu la renvoies au lit? Seule? Mais tu es devenu fou, mon garçon! Et c'est quand j'ai été aux toilettes que j'ai compris. Mon goupillon était tout chaud. Et il avait des frissons. J'avais attrapé un rhume de goumi. Voilà donc pourquoi je n'avais pas réagi comme à l'accoutumée. J'ai décidé de prendre les choses en main. Enfin, c'est une expression. Je commence par un petit bain à l'aspégique pour mon truc malade, et puis je l'entoure d'une petite écharpe qu'une mamie nymphomane m'avait tricotée un jour. Inutile de vous dire que j'avais l'air crétin avec ça autour du truc. On aurait dit un teckel qui boude. En attendant, ça a marché. 2 heures plus tard, il était à nouveau fonctionnel, le distributeur d'amour du Helmut. Je bondis de la piole et j'ai remis de la musique. Allez, debout, l'étudiante. Je vais te faire réviser l'histoire de l'Empire romain, moi, avec la conquête de la Gaule. Ah, mais tout ce que tu m'as dit, mes études et tout ça, me dit-elle effarée comme un petit lapin pris dans la lumière des phares du train de l'amour, mais ivre de bonheur à la fois. Eh ben, c'était des conneries. Et ma mère en pleure, rajoute-t-elle. Ah, eh ben, je sais pas, moi. On fait l'avenir ce week-end, je saurais trouver les mots pour la rassurer. Évidemment, mon cri-cri, suite à ça, pendant 46 heures, on s'est envoyé en l'air comme des cafards estoniens. Eh ben, j'ai chaud. Un rhume de goumi. J'ai bien cru que c'en était fini de ma carrière de Tyrolean Lover. Enfin, ça va mieux. Au revoir, c'est.